écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous sommes le 22 février 2022, il y a beaucoup de deux, et c'est l'épisode 264. On va faire une photo de la société d'aujourd'hui avec les infos tech à retenir de la semaine. Ah, il faut dire qu'on a bien l'impression de vivre en ce moment une succession de périodes marquantes sur le plan historique. Bon, place en tout cas là une petite rubrique façon dystopie avec, entre autres, des prothèses qui abandonnent leurs porteurs malvoyants, les pauvres. Clearview AI, on en avait presque oublié, hein, cette entreprise qui récupère massivement des photos sur Internet sans autorisation en vue de proposer des services de reconnaissance de visage. Bah, ils sont pas restés les bras croisés, on va en parler. Et puis Disney qui veut vous permettre demain de vivre dans un monde 100% Disney. Bon, c'est pas 100% de la tech, mais vous allez voir que c'est quand même très très dystopique. En tout cas, c'est du concret, on en parlera ensemble. On parlera aussi intelligence artificielle avec les implications identifiées du moment. Il se pourrait d'ailleurs bien qu'on des travaux de recherche dans ce domaine aient désigné assez formellement qui est Q de la théorie conspirationniste QAnon dont on avait déjà parlé. On devrait même un petit peu dans cet épisode pouvoir parler de jeux vidéo. Je suis Guillaume Vendée et je suis très fier de retrouver le vulgarisateur de la tech numéro 1 dans le monde du podcast, auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Podjaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Ben ça va très bien, et toi ? Écoute, ça va mieux que la semaine dernière, voilà. Puisque j'ai eu la joie d'avoir la grippe. Donc c'est comme un bon Covid qui te tient quelques jours, sans les grandes implications à long terme, mais sans le test positif, avec un test négatif. C'est très déroutant, mais bon. On est en excellente compagnie, Guillaume, pour cet épisode, oui. Parce qu'on a également le grand plaisir de retrouver un cofondateur du groupe Média Humanoïde. Donc c'est le groupe qui est derrière Frandroid et Numérama, désormais un des meilleurs, et si ce n'est le meilleur développeur du Québec, il nous livre de temps en temps ses réflexions, notamment dans le Blablapod, c'est Pierre-Olivier Liebmann. Salut Pierre-Olivier, comment vas-tu ? Salut, pas mal. Bon, ça fait... tu sais que je me disais là en préparant les notes de l'épisode, tout ce qu'on va se raconter, eh ben, tu sais que ça fait plus de 10 ans maintenant que je fais Tech Café. À l'époque, ça s'appelait Tablette Café. Et je pense qu'historiquement, tu as fait partie des tout premiers participants au podcast. Bah écoute, j'avais envie de te faire un petit clin d'œil en te disant que tu vois, ça fait 10 ans que tu fais du podcast à mes côtés, en tout cas, Pierre-Olivier. Eh bien, un très joyeux anniversaire à nous. Merci beaucoup. Et puis, bah écoute, je pense qu'on va voir si on n'a pas perdu la main au bout de ces 10 ans, si on n'est pas trop devenu des vieux cons. Spoiler, si, peut-être un petit peu, mais on essaie de pas trop le montrer. Bon, en tout cas, vous le saviez peut-être pas si vous découvrez Tech Café, mais sachez que le podcast est financé par ses auditeurs via une plateforme qui s'appelle Patreon, P-A-T-R-E-O-N, concrètement. C'est des auditeurs qui trouvent que l'émission leur apporte un savant équilibre d'informations et de divertissement qu'ils ne trouvent pas ailleurs, notamment pas à la radio. Alors, ces auditeurs s'inscrivent sur patreon.com/techcafé et puis ils acceptent de verser quelques euros par mois sous la forme d'un abonnement pour nous soutenir. Alors évidemment, c'est extrêmement précieux de savoir que notre ligne éditoriale est indépendante et engagée grâce à votre participation. Et si vous partagez cet avis et que vous ne nous soutenez pas encore, rendez-vous sur patreon.com/techcafé et puis abonnez-vous. Vous profiterez notamment du podcast en accès complet sans la pub avec le chapitrage des émissions. Et puis d'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, mais on aime bien le rappeler, sachez que parmi nos soutiens financiers, il y a monsieur Luc Julia, qu'on présente souvent comme étant alors, un des co-créateurs de Siri, hein, spécialiste des objets connectés et de l'intelligence artificielle, qui n'a pas sa langue dans sa poche sur ces sujets qu'on peut être amené à aborder. On avait eu le plaisir de le recevoir dans un épisode il y a maintenant plus d'un an, et on est évidemment très très fiers d'avoir son soutien, on le salue. Vous pouvez en tout cas faire comme lui et nous soutenir. La meilleure manière, c'est donc sur patreon.com/techcafé. Et puis, tiens, avant de commencer l'épisode, sachez qu'on a reçu un avis à 5 étoiles sur Apple Podcast. Je l'ai trouvé remarquable, mais je le citerai à la fin de cet épisode pour ne pas rallonger cette intro. En tout cas, Rémi Y, d'ores et déjà, merci pour ce magnifique commentaire. Sans autre forme de procès, on plonge dans des news qui vont nous faire douter sur la nature du monde qui nous entoure. Est-ce qu'on est dans le bon vieux 2020 tel qu'on avait l'habitude de les connaître, ou est-ce qu'on n'a pas basculé à l'insu de notre plein gré dans un monde complètement cyberpunk? C'est l'objet des sélections de news que nous a faites Guillaume pour cet épisode, à commencer par cette histoire assez rocambolesque, parfois qui pourrait faire sourire si elle n'était pas au fond aussi triste, mais qui concerne des prothèses pour des personnes non-voyantes. Il s'agissait donc d'yeux bioniques proposés par une société, donc une belle avancée sur le plan technologique et médical, mais malheureusement, ça sent un petit peu le sapin en ce moment, Guillaume. Ouais, bah ouais, une dystopie du pauvre, hein, peut-être un peu aussi la dystopie du clodo, je sais pas, parce que bon, avoir un appareil obsolète, c'est lourd déjà, hein, je le sais bien, ça fait des semaines que j'essaie de réparer une télé à écran plasma et j'ai pas le cœur de la foutre à la benne. Donc t'imagines t'as pas si réussi, c'était du coup, des yeux. C'était pas, l'alim, c'est ça bon. Non, ouais, c'était une des cartes d'alim. Yeah. Mais bref, bon, là je parle pas, voilà, là, si tes yeux étaient devenus obsolètes, évidemment ce serait encore pas pareil. Bon, je parle pas d'une partie de Deus Ex là, hein, je parle de la très mauvaise surprise quand quand même les 350 personnes qui bénéficient des implants Second Sight. Donc ces personnes étaient aveugles et elles ont été candidates pour se faire implanter des yeux bioniques. Alors attention, je sais, dit comme ça peut faire ultra futuriste et limite sexy, mais en fait pas du tout, hein, vraiment pas. Les Argus, c'est pas les acteurs du livre de Boba Fett dans la série, il y a des personnages qui sont modifiés, si, augmentés. Je sais pas du tout s'ils sont modifiés comme ça, mais les Argus 1 qui datent de 98, elles avaient une résolution de 16 pixels, pas 16:16, 16 pixels. Et les Argus 2, qui ont été en vente dès 2013, elles ont une résolution de 60 pixels. Donc ça fait pas trop rêver, parce que évidemment c'est en noir et blanc en plus. Hein. Et ils disent que c'est... Enfin, les personnes qui témoignent disent que c'est 100% ouais, mieux que ce qu'ils avaient avant, ce qui est vrai. Alors, mais... 60 pixels, c'est 100% mieux que 0 pixels. Ça, effectivement, plus même, mais... Ouais. Mais ouais, en fait, le système, ça consiste en un implant qui envoie des stimulations donc sur le nerf optique, des impulsions, voilà, avec 60 électrodes. Donc le patient porte des lunettes avec une caméra qui envoie le flux à un petit boîtier qui est porté à la ceinture, c'est lui qui fait les traitements vidéo, la filtration, l'encodage, tout ça, c'est envoyé à un transmetteur qui relaie ça à un implant de 60 électrodes disposant en rectangle qui est sur la rétine, enfin sous la rétine même pour être plus précis. Donc malgré l'aspect matrice de points, la manière dont les signaux sont envoyés et l'extrême faiblesse de la résolution fait qu'on ne peut pas parler d'une restauration de la vue. En fait, c'est comme un autre sens, c'est une autre forme de perception spatiale, c'est-à-dire que les patients peuvent détecter les obstacles, percevoir les mouvements, ce genre de trucs. Et c'est pas évident à utiliser, en fait. Ça demande de s'adapter, de recalibrer le cerveau, quelque part. Et donc certains y arrivent, mais d'autres ont du mal, d'autres souffrent de vertige, par exemple. Bon, pour la majorité, il y a un bénéfice qui peut être variable, qui va de marginal à très important. Bon, mais même, c'est vrai que si c'est très loin d'une vision, même d'une vision très myope, hein, c'est quand même un plus pour beaucoup de gens. Et ça a aussi un coût non négligeable, puisqu'il faut quand même 4 heures d'intervention chirurgicale, il y a des complications possibles. C'est très compliqué à enlever, ça coûte une blinde, entre le matos, l'hôpital et le suivi, c'est presque 500 000 dollars par patient. Et pourtant, c'est pas rentable. Parce que Second Sight a viré la plupart de son personnel en 2020, et il a presque tout liquidé. Donc il a fusionné là avec NPM, c'est donc une boîte qui s'appelle Nano Precision Medical. Et puis, c'est la zone. Voilà, il n'y a plus de support, plus de mise à jour logicielle et surtout, il n'y a plus de pièces de remplacement. Donc, il y a un gars, par exemple, il avait cassé son boîtier, il avait tombé par terre. Donc, il a dû chercher une occasion sur Internet et miraculeusement, il en a trouvé une en plus. Un autre gars qui ne l'utilisait plus. Donc, il a eu de la chance, mais c'est en fait, voilà, 350 personnes se retrouvent avec la Betamax des yeux bioniques implantée dans la tête. Une technologie abandonnée. Donc, si ça casse, c'est fini. Ils auront un morceau de plastique inutile dans l'œil et puis il faudra prier pour pas que ça s'infecte. D'ailleurs, le système Argus, il était déjà sur la sellette, en fait, hein, même avant la liquidation, puisque Second Sight voyait bien que la rentabilité était très difficile, puisque le marché auquel il s'adressait était vraiment assez faible. Et c'est un implant rétinien, hein, il faut absolument que le nerf optique fonctionne bien, tu vois. Donc, pour ratisser plus large, il voulait passer à un implant cortical. C'était le projet Orion. Un truc cortical, un petit peu comme le machin d'Elon Musk, hein, donc au lieu d'exciter le nerf optique, tu excites la zone cérébrale de la vue. Le transmetteur est donc à l'arrière du crâne et il est relié par un câble à la matrice d'électrode qui est lui dans le cerveau. Donc c'est plus invasif évidemment qu'Argus. Il y a 6 patients qui sont quand même déjà implantés, hein, avec Orion. Il y a une essai clinique de 5 ans qui est en cours. Et donc est-ce qu'ils vont avoir dans la tronche un truc qui est déjà obsolète? Ben pour le moment, on ne sait pas, et c'est la débrouille. Voilà, les médecins, donc il y a des médecins et des patients qui envisagent de prendre un petit peu les choses en main pour améliorer autant que possible les logiciels, réparer certaines parties. Voilà, comme quand tu as un vieux jeu vidéo, comme quand un MMO tombe comme ça et qu'il y a des passionnés qui essaient de le remettre en route. Voilà, c'est quand même très précaire. Bon, tu me diras, une boîte qui innove et qui fait faillite, hein, et qui laisse les utilisateurs sur le carreau, c'est pas nouveau. Mais là, on parle évidemment de prothèses médicales, c'est chirurgicalement implanté, donc ouais, la loi du marché est peut-être plus difficile à avaler pour ces clients-là, tu vois. Ouais. Mais bon, c'est sans doute qu'un début, Second Sight n'est pas la seule boîte à travailler sur le sujet, et en France, on a Pixium, qui développe un truc qui ressemble beaucoup à Argus, avec 378 électrodes. Franchement, c'est super que ce genre de prothèse se développe, hein. Après, c'est sûr qu'il y a quand même besoin de suivi, c'est vrai, c'est pas le même qu'avec un téléphone, quoi. Donc peut-être qu'il y aura un indice de réparabilité des prothèses en 2027, on ne sait pas. Hein. 2027, c'est l'année où se passe Deus Ex et Human Revolution. Alors, ça se rapproche à grands pas. Hein. Mais c'est vrai qu'on pose pas, on se pose pas la question, je pense, quand il y a ce type d'implication, de branchement, d'appareil dans le corps humain. On ne voit que la nouveauté, la plus-value, et effectivement, qu'est-ce qui peut se passer à long terme? Ça, c'est une vraie question. Bah, on commence à, en tout cas, à percevoir le fait que si on se pose pas la question, il peut y avoir des gros problèmes, parce que j'imagine même que d'un point de vue, alors bon, déjà, fonctionnellement parlant, que ça marche plus, c'est diablement embêtant, mais même d'un point de vue sanitaire, c'est pas neutre, et je pense qu'à retirer, comme c'est plutôt invasif comme appareil, ça doit pas être si simple. Donc même d'un point de vue sanitaire, en plus ton appareil fonctionne plus, ça doit être extrêmement déroutant. T'avais suivi Pierre-Olivier, tu connais ce Second Sight, toi? Moi j'avoue que ça me parlait vaguement, mais j'avais pas bien en tête le fait qu'il proposait ce type de techno. Ouais, j'avais suivi. Après voilà, moi ce qui m'a beaucoup gêné, c'est surtout dans la couverture médiatique de l'info, parce que là voilà, on voit bien que ce sont pas des devices qui ont arrêté de fonctionner, ce sont des devices qui ont arrêté d'être supportés. Donc c'est vrai que bah bon, pour le gars qui a fait tomber son boîtier, il a eu un coup de chance incroyable d'en trouver un de seconde main, hein, puisque comme Guillaume disait, 350 patients, comment dire, ça fait pas beaucoup de monde. Mais voilà, on reste quand même avec, alors je vais pas m'avancer et dire 349 personnes qui ont un boîtier qui fonctionne, c'est probablement pas ce chiffre-là, mais voilà, il y a quand même plusieurs centaines de personnes qui ont un boîtier qui fonctionne, qui les aide plus ou moins dans la vie. Le plus et le moins dépend de leur vie et aussi de l'état neurologique dans lequel ils sont, donc des choses qui sont indépendantes de l'entreprise. Mais voilà, en soi, moi ça me choque pas particulièrement. C'est sûr que comme ça touche à un nerf, c'est un peu plus compliqué qu'un pacemaker qui s'arrête, on fait juste le changer, on en met un autre. Bon là voilà, il y a des connexions neurales, donc c'est probablement un peu plus touchy, c'est sûr. Cela étant, quand ces gens-là et qui faisait partie d'une étude, hein, c'est pas un produit qui a été mis en marché ou quoi que ce soit, on leur a proposé ça, on leur a probablement même pas promis ne serait-ce qu'une seule mise à jour. En tout cas, j'imagine le scénario de recherche qui est le suivant. On va voir, est-ce que le device fonctionne? Ah, il fonctionne. Eh, mais on pourrait améliorer ça. Eh, peut-être qu'on peut faire une mise à jour. Mais au moment où on a fait l'implémentation, il n'était pas question de faire des mises à jour suivies dans le temps ou quoi que ce soit. Donc moi, en soi, ça me choque pas tellement. Ce qui me gêne, c'est plus la couverture médiatique qu'il y a eu en mode « Ouais, il y a une entreprise qui ferme et les gens, ils sont littéralement dans le noir », parce que c'est pas vrai. Par contre, ça n'empêche que effectivement, il faut quand même se poser ces questions. Est-ce que ce genre de recherche, c'est une bonne idée que ça ne repose que sur le privé? Peut-être qu'il devrait y avoir un peu plus de public, peut-être que du public, peut-être des partenariats public-privé. Je sais pas, j'ai pas la réponse et j'ai pas la prétention de la porter dans cet épisode, parce que sinon tout le reste du conducteur va sauter à l'as. donc il y a cet aspect-là. Il y a l'autre aspect. C'est vrai que c'est le cas dans le domaine de l'énergie, par exemple. On pourrait se dire que, alors non pas sur les domaines de la santé, de la médecine et des évolutions de ce type-là, sinon probablement qu'il n'y aurait pas grand-chose qui avancerait, mais en tout cas sur des expérimentations qui ont de telles implications, ça mériterait de se poser la question, effectivement. Absolument, absolument. Et puis ça pourrait, on pourrait très bien imaginer aussi que ce sont des contrats qui sont cadrés par l'État, où on dit ok, c'est 100% une recherche privée, il y a que de l'argent privé, mais en cas de faillite, le code source, les brevets, etc., etc., sont déposés dans le domaine public. Il y a beaucoup de grandes entreprises, quand elles font affaire à des startups, qui exigent ce genre de conditions dans leur contrat, en mode « Ok, mais tu sais, ça fait 18 mois que vous existez, votre produit, il est super, mais si vous mourrez, nous, on a besoin d'avoir le code source pour continuer de faire rouler le code. » Ça serait logique aussi d'avoir ce genre de mécanisme dans cet univers-là. Ça serait pas stupide. D'autant plus que, et ça m'amène à mon deuxième sujet de débat, c'est ok, on n'avait probablement pas promis des mises à jour fonctionnelles. Par contre, puisqu'on parle de quelque chose qui se branche sur le nerf, et puis pour la future génération, dont on ne sait pas ce qu'il va devenir en termes de support directement au cerveau, il faut qu'on parle de sécurité aussi. Parce que, même si on est à 60 pixels, c'est suffisant pour afficher un message de deface. Et je pense que c'est pas très drôle d'avoir un message de deface direct au niveau des yeux là. Et donc ça c'est quelque chose que, eh ben, il faut que le privé il prenne en charge. Même si c'est pas rentable, à l'image des systèmes d'exploitation dont on sait que les mises à jour de sécurité pure, eh ben elles sont prises en charge beaucoup plus longtemps que les mises à jour fonctionnelles. Donc là, on devrait avoir aussi, là encore, peut-être des conditions fixées par l'État qui disent bon ben voilà, on peut faire ce genre d'études, déontologiquement c'est OK, mais voici le cadre dans lequel on travaille. C'est passionnant, en fait, on s'imagine pas avoir toutes ces questions quand on voit les articles d'innovation de ce type qui sortent dans la presse, donc on regardera ça de manière différente, je pense. Bah, pour le moment, c'est vrai que la sécurité sur 350 personnes, il n'y aura pas beaucoup de hackers, mais pour le futur, c'est vrai que ça peut devenir un enjeu. Juste pour dire que Pixium Vision, ils sont en partenariat avec le CNRS et l'Inserm, et aussi des entreprises privées, l'Institut Rothschild de la Vision et compagnie, quoi. Donc il y a la Fondation Rothschild de l'œil et du cerveau, pour être précis. Donc voilà, il y a des partenariats. De ce côté-là, en tout cas, il y a des partenariats publics-privés, clairement. Après, pour Second Sight, ça avait l'air d'être plus purement privé. Là, ça a l'air clair. Alors, ce qui est clair, c'est Clearview. Non, je ne suis pas sûr que c'était un enchaînement qui était très, très bon. Comme je le disais en intro, on va reparler de Clearview. En fait, j'étais étonné de me dire, tiens, oui, ça fait un petit moment qu'on n'a pas entendu parler de cette société. Je vous l'ai représenté en quelques mots en intro. Et eux, ils cherchent de l'intro, Guillaume. Ils cherchent non pas de l'intro, ils cherchent de l'argent. Ils cherchent de l'argent, oui, Guillaume. Comme tout le monde. Oui, Clearview, ils disent toujours, on en a parlé plusieurs fois, hein, malgré les procès, malgré le port du masque, d'ailleurs généralisé, ils se défendent. Oui, parce que bon, c'est vrai que pour le porter le masque pour Clearview, ça a dû être une catastrophe. Eh oui. Mais bon, il fait une nouvelle levée de fonds pour aller encore plus loin, parce que chez Clearview, ils ont une vision claire, eux, hein, du futur. Celle du futur, oui, bien sûr, où le crime ne pourrait plus se cacher, tu vois, où les innocents seraient aussitôt disculpés, où les bonnes gens pourraient dormir sur leurs deux oreilles, voilà, sereinement, sous son œil, voilà, béni soit le fruit. Et tout ça passe par l'aspiration méthodique d'à peu près tout ce qui ressemble à une tête humaine, hein, sur Internet, et des milliers de sites, bien sûr. Voilà, bon, ils en sont à 10 milliards de photos, et déjà, là, ils les ont, et avec juste 50 petits millions supplémentaires de dollars, ils pourraient aller jusqu'à 100 milliards de photos, permettant virtuellement d'identifier n'importe qui sur la planète. Sauf moi, et toc. Et donc, avec cet argent, ils pourraient aussi facilement faire du lobbying auprès des gouvernements pour pousser à établir des législations plus favorables ici et là, hein, pour favoriser l'exportation de leurs produits. C'est pas moi qui le dis, c'est Clearview lui-même, dans leur message aux investisseurs. Tranquille. Encore plus fascinant, Hon Ton Tat, le CEO, envisage de diversifier les usages hors de la reconnaissance faciale. Pour les forces du bien, bien sûr. Ça serait de surveiller les travailleurs de la gig economy, de passer à la reconnaissance de la démarche aussi, des fois que vous soyez masqué. Voilà, il se laisse même aller, hein. Il parle de la possibilité de reconnaître les empreintes digitales à distance. Bon. En tout cas, le but premier de Clearview, c'est de sauver des vies, évidemment, hein, et il s'interdit de vendre sa techno à quiconque d'autre que les forces de l'ordre. Oh oui, c'est une morale. Mais il s'interdit pas de changer sa politique au fil de l'eau selon les évolutions de la tech, hein, parce qu'on va déconner. Après, Clearview a déjà montré qu'il triait sur le volet les bénéficiaires de sa technologie, non ? Non, ben non, pas du tout. Autant pour moi, absolument pas. En 2020, une liste de 2200 entités a fuité. Et donc 2200 entités qui ont testé Clearview, et à peu près tout le monde a tenté le coup. Il y a eu Best Buy, de Best Buy à Walmart, il y a eu des Australiennes, des Saoudiens. En passant par Macy's, il y a eu des kyrielles de commissariats de tous les quartiers américains. Bon, bien sûr, la CNIL avait déjà hurlé en 2017 sur la collecte des données de Clearview, à peu près toutes les big tech aussi. Mais voilà, lui, il dit que ces données sont publiques et il défend son bon droit avec le premier amendement qui porte sur la liberté d'expression. Alors, je vois pas trop le rapport. Et apparemment, les juges non plus, parce que sa défense a été rejetée dans le cas qu'il oppose à l'État de l'Illinois. Donc, c'est une victoire pour le FF. Peut-être que Ton Tat ne pourra pas aboutir, c'est dommage. Hein. Pourtant, Uber et Lyft étaient intéressés. Écoute, tant pis pour nous si le monde de demain n'est pas le meilleur des mondes. C'est vrai que t'as raison, l'argument du premier amendement est quand même très déroutant. Je vois absolument pas le rapport et je comprends pas comment est-ce qu'ils peuvent invoquer cette directive là pour se défendre. Mais bon, ce qui en fait est assez étonnant, c'est que ça continue à fonctionner de manière aussi transparente, quoi. C'est bon, comme quoi ça doit, à mon avis, rendre pas mal de services. Est-ce que c'est pas Clearview qui avait été activé l'an dernier durant les émeutes du Capitole, hein, absolument. C'est ça. Bon. Allez, on va passer un petit sujet qui est, alors comme je le disais, un peu moins tech, mais on va parler de Disney. Alors, c'est pas de la tech, mais c'est une vision pour le moins quand même futuriste. Imaginez-vous, là, vous vivez aujourd'hui dans votre intérieur, un intérieur complètement classique. Est-ce que ça vous tenterait pas de vivre carrément dans un univers Disney, Guillaume ? Écoute, un truc commun à pas mal de dystopies de science-fiction, c'est le remplacement de la réalité par la fiction, c'est soit pour le contrôle, soit parce que la réalité est trop pourrie. Donc que ce soit une fiction politique, hein, une fiction chimique, la drogue, hein, dans Substance Mort, ou des fictions en réalité virtuelle, évidemment, hein, Ready Player One, Avalon, ou avec des robots, hein, comme dans Westworld, ben, il y a toujours un petit peu ça. Et le métaverse façon méta, finalement, et le dernier projet de Disney, on est un peu sur cette voie-là. Alors je sais... Les jeux en réalité virtuelle ne représentent pas des trucs inquiétants en eux-mêmes, c'est pas le problème, mais ce qui est marrant, c'est que Disneyland, finalement, c'est un métavers en dur. On passe d'un univers fictionnel à un autre univers fictionnel, seamless, enfin presque seamless, s'il n'y avait pas deux heures de queue entre chaque truc, mais bon, voilà, ça serait seamless. Et le concept de parc d'attraction, il est allé un peu plus loin avec celui d'hôtel immersif, on avait un petit peu parlé, donc là, il va ouvrir, c'est l'hôtel Star Wars Galactic Star Cruiser à Orlando, et en fait, c'est un Westworld dans l'univers Star Wars, mais sans robot, paradoxalement d'ailleurs, c'est sans robot. Donc c'est voilà, c'est vraiment un hôtel. Alors c'est un hôtel qui est réservé à des gens aisés, puisque c'est quand même 6000 balles les deux nuits. Mais pour cette somme, vous avez un hôtel intégralement, évidemment, au décor de Star Wars, décor fidèle de vaisseau, voilà. Il y a des acteurs qui font vivre une histoire qui dure tout le temps du séjour et qui sortent jamais du personnage. Donc tout y est, une cantina, des cours de sabre laser, le personnel est vraiment, voilà, joue le jeu tout le temps. Donc c'est une forme de réalité virtuelle, en fait. C'est une forme de réalité virtuelle en dur, et qui dure deux jours. Ça commence en mars 2022, hein, si ça vous intéresse, mais sachez que c'est déjà complet. Donc voilà. Apparemment, le prix du billet n'a pas été assez dissuasif. Et tout ça, c'est cool, ça va peut-être un peu loin, mais bon, finalement, ça a l'air quand même marrant, tu vois. Puis au moins, c'est circonscrit, vous pouvez sortir de l'hôtel, ça roule. Sauf que c'est encore qu'un début, si l'on croit Hélène Pack, la chef du département Park Experience et produits chez Disney. Elle parle de l'évolution du storytelling en story living. Donc on raconte plus une histoire, on la fait vivre. Donc l'hôtel Galactique machin, finalement, c'est totalement là-dedans. Sauf que le Story Living by Disney, ça concerne des résidences, des maisons où tu vis à l'année. Donc Disney envisage de créer un quartier résidentiel, en fait, hein, voire une petite ville qui va s'appeler Cotino, qui va avoir 1900 logements dans la Silicon Valley de Coachella, en Californie. Donc il y aura des maisons, des apparts, tout ça très chicos, hein, parce que voilà, c'est autour d'une baie avec de l'eau filtrée pour virer le plastique de la vraie vie. Et puis il y aura des restos, des ciné, des galeries. Tout ça sera vraiment très très chic. Ce sera pour les gens bien aisés, bien entendu. Hein, déjà l'hôtel, voyez le gamme de prix. Et tout ça, c'est pas nouveau, pas vraiment, tu vois, en soi, c'est pas super nouveau, sauf que l'appellation Story Living et le commentaire de Joss D'Amaro, qui est le chef des parcs d'attraction, laisse imaginer que ça pourrait aller plus loin. Il dit, chaque élément de ces communautés sera imprégné d'une histoire, et les résidents participeront activement à ces histoires. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est juste du marketing pour encore un autre ghetto de riches ? Ou bien est-ce qu'il y aura vraiment des acteurs, des scénarios ? Avec des arcs différents selon les saisons, mais les vraies saisons du coup. Tu vois, est-ce que les gens seront gentils avec moi et m'écouteront, me conseilleront parce que j'ai payé très très cher mon loyer ? Est-ce que si je vole une personne, Aladdin viendra me donner un coup de main ? Ou est-ce que Thor viendra me foutre une rouste ? Tu vois, est-ce qu'Elsa vendra des glaces en été ? Est-ce que Jabba organisera un trafic de crack ? Est-ce que le futur de la réalité, c'est la fiction ? Est-ce que notre vrai futur cyberpunk, c'est des intérimaires déguisés en Mickey ? Je sais pas, il y a trop de questions sur cette annonce Disney, je trouve. Ça me perturbe. Moi, je suis plus enthousiasmé par la crédibilité de cette news que par la crédibilité d'un quelconque métavers, mais peut-être que vous serez pas du même avis. Pierre Olivier, est-ce que ça t'enthousiasmerait ces opportunités ? Parce que si on met d'ailleurs de côté le prix, parce qu'en fait on est tous d'accord que si ça marche, ça va être un truc qui au début va être très très cher, qui va être réservé à des personnes aisées, ça sera des cadeaux d'exception. Mais après, si on voit que ça fonctionne et que c'est une mécanique qui tourne, peut-être que c'est un truc qui peut devenir un petit peu plus accessible. Est-ce que ça t'enthousiasmerait, toi, cette vision de l'avenir, Pierre Olivier ? Je suis pas sûr que ce soit pour moi. Je trouve ça très cool de passer peut-être une longue fin de semaine ou des vacances dans de ce genre d'environnement. M'engager un peu plus là-dedans, je pense pas que c'est pour moi, ou du moins, alors dans ce cas-là, il faudrait que je dise, ben voilà, c'est ma fantaisie de ma vie, et tu sais, je travaille pas ou quoi, ou enfin, mais ça serait super difficile je trouve, de tu sais, tu rentres chez toi, t'es dans l'univers de, je sais pas, Star Wars, le Roi Lion, quand tu casses une assiette, tout le monde s'arrête, fait une chorégraphie en chantant, et puis le lendemain matin, à 8h du mat, faut que t'ailles au bureau en costard, enfin, tu vois, il y a un truc qui est un peu, qui est un peu particulier. Cela dit, de toute façon, je suis pas sûr que économiquement, ça puisse vraiment résister bien longtemps. D'abord, c'est pas tout à fait la première fois que Disney a des projets comme ça. Ils avaient déjà une espèce de banlieue, je sais pas où, aux États-Unis, en mode Disney. Alors, c'était pas un peu moins travaillé. Et puis, finalement, de toute façon, c'était un flop. C'était pas un univers en particulier. C'était tous les univers Disney. Il y a plein de raisons hein, pour lequel c'était pas si ouf. Mais moi, je compare ça au gros espace de jeux de rôle grandeur nature. Ouais, c'est comme... exactement ce que je pensais aussi. Ouais, ça fait plus ça penser à des grandeurs nature. Ça m'étonne ouais. pas, Guillaume. mais donc tu vois, je pense au duché de Bicoline qui est un espace à Saint-Mathieu-du-Parc au Québec où voilà, il y a des événements tous les mois, mais de toute façon, ça vit quasiment à l'année. Tu peux y aller, tu peux aller boire un coup à la taverne le soir en notant que tu respectes le jeu, quoi. C'est-à-dire que bon, t'es habillé médiéval fantasy, tu parles pas en verlan. Bon, c'est pas très populaire le verlan au Québec, mais voilà, tu vois l'idée. Il faut rentrer dans le rôle. Et évidemment, c'est sûr que c'est compliqué parce que ça parle nécessairement à une population qui est une niche en termes de marketing parce que justement il faut tenir un rôle et que si tu le tiens pas tu deviens vite un élément qui emmerde les autres joueurs alors que dans une structure commerciale comme le projet de Disney comme c'est le cas pour le projet de Disney, eh ben tu vas avoir des acteurs, des machins, etc., qui vont faire en sorte que même si t'es pas à 100% complètement dans le truc, on va te porter en fait, et tu seras peut-être donc moins quelqu'un qui tue le jeu pour les autres. Mais tu vois, dans les trucs de grandeur nature aussi grands que celui de Saint-Mathieu-du-Parc là, que Bicoline. Ce problème-là d'accessibilité pour les débutants finalement parce que c'est ça que c'est, on pourrait le régler en embauchant des acteurs, des comédiens, etc., etc. Mais ça coûte du pognon et on parle déjà de gens qui ont acheté un chalet qui finalement leur appartient pas hein, parce que tout le terrain appartient au duché de Bicoline puis au Québec là dans le code civil on n'est pas propriétaire de nos murs si on n'est pas propriétaire du terrain sur lequel c'est. Et donc, il y a des gens, ils ont littéralement leur résidence secondaire en mode médiéval fantasy dans ce truc-là. Ils l'ont payé en entier, là. Ils l'ont souvent construit eux-mêmes, d'ailleurs. Puis, techniquement, ça leur appartient pas. Fait, c'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et ça coûte très cher. Et pour autant, ça coûte quand même pas assez cher. Et là, si on revient à Disney, ça va être pareil. Ça va être des gens qui vont acheter leur pavillon de banlieue, qui vont payer leur taxe de copropriété, parce que ça reste quand même... ça va être une des fameuses gated communities, là, comme on dit aux États-Unis. Donc, il va y avoir une copropriété pour les infrastructures communes. Et là-dessus, va se rajouter les frais pour les comédiens, les machins, etc. Moi, je vois pas comment... c'est sûr qu'il y a des gens qui ont l'argent pour ça. On s'entend, mais est-ce que ça a vraiment la possibilité d'être quelque chose d'accessible pour la classe moyenne? Honnêtement, il faudrait vraiment être super passionné. Puis si t'es super passionné, ben dans ce cas-là, t'es mieux de rejoindre des communautés comme celle de Bicoline et autres qui font pas forcément ça pour l'argent, quoi. On verra si la force des licences Disney permettra de démocratiser ça au plus grand nombre, compte tenu du coût probablement très élevé que ça représentera. Il faut savoir quand même que Disney, ils sont dans leur cœur de métier, hein. C'est pas que de la gestion de licences, du divertissement. Disney, ils gèrent toute la partie Val d'Europe, là, à Chessy, en France, à côté de Paris, et ils ont une gestion immobilière qui est particulièrement conséquente. Ça fait partie de leur savoir-faire. Évidemment, c'est le cas partout à l'international, et ils sont. Et c'est pas seulement ça, hein. Il me semble que le réseau de transport en commun des parcs d'attractions Disney, c'est genre la plus grande activité de transport en commun d'Amérique du Nord. Enfin, tu vois, c'est tout ce qu'ils font, c'est géant. Et que ça, c'est sûr, là, ils savent faire, il n'y a pas de problème là-dessus. Bon, écoute, je me disais quand même que c'était probablement l'innovation la moins tech dont on avait pu parler ces derniers temps dans Tech Café. Je me demande s'il n'y a pas aussi un facteur post-Covid, c'est d'ailleurs assez indiscutable dans une stratégie de déploiement de la part de Disney. Mais on verra ce que ça donne. En attendant, Guillaume, tu vas continuer à nous dessiner cet avenir dystopique ou ce présent dystopique avec du blanchiment d'argent, avec des nouvelles façons justement de blanchir de l'argent. Guillaume. Ouais, bon après c'est juste que Chainalysis a encore livré une étude intéressante sur l'activité crypto illégale en Russie. Au passage, effectivement, comme un auditeur l'a remarqué, je le prononçais mal, hein, je prononçais Chainalysis, alors que c'est Chainalysis. Merci donc, de nous remonter ces remarques, c'est cool. Ah bah oui, tout à fait, c'est sûr. Donc Chainalysis analyse un petit peu le fait que la Russie soit devenue le 18e pays du monde en termes d'adoption des cryptos, avec des entreprises spécialisées hein, qui sont assez connues, qui sont basées à Moscou et qui brassent un volume de fonds conséquent. Et inévitablement, bah oui, on parle aussi de ransomware, puisque 74% des revenus des rançons sont liés à des entités liées à la Russie, et en fait, bah, une bonne partie des fonds brassés par ces boîtes viennent d'adresses pas propres, entre 29 et 48% selon les trimestres en moyenne. Les crypto-blanchisseurs moscovites voient passer des fonds, entre autres venant d'arnaque à 45%, de commerce sur le Darknet à 43%, de ransomware à 5,5%, sur 3 ans, ça représente quand même 700 millions de dollars. Et bon, anecdote rigolote, la moitié de ces boîtes ont leur siège dans le même building de Moscou, c'est la Federation Tower. Federation Tower, c'est un des plus gros buildings le plus visible de toute la capitale. C'est pas précisément un endroit discret, c'est un petit peu comme si en France elles étaient dans un building de la Défense. Donc pour résumer, ils se cachent pas des masses, probablement parce qu'ils craignent pas des masses, grand chose, hein, et ce qui montre aussi que le gros coup de filet sur Revel de janvier a de fortes chances d'être un truc voilà, ponctuel, un one shot, et puis c'est tout. Malheureusement. Un petit biscuit, quoi. Ouais, c'est et puis ça, bon, après, évidemment, plus les choses, voilà, ça range pas. Hein, puis les arnaques, l'infox, la manipulation, ça peut se trouver un petit peu partout. Hein, des serveurs Discord de fans de NFT, hein, où on en parle des fois, à Wikipédia manipulé par les partisans de Zemmour, un truc qui est sorti cette semaine dans Numérama, d'ailleurs. Il est très important d'être vigilant, d'avoir du recul et aussi de développer des compétences, quoi. Hein, parce que les moins à l'aise avec les outils numériques, ce sont forcément les plus exposés au risque de se faire avoir. Or, selon l'INSEE, 17% des Français sont pas à l'aise avec la technologie. Et si vous pensez que ça touche que les petites mamies, ben vous avez à moitié tort, parce que un peu plus qu'à moitié tort, puisque 44% des gens touchés par l'électronisme, selon le terme consacré, c'est pas très joli, mais bon, ils appellent ça comme ça, l'électronisme, ben 44% sont des seniors, ce qui veut dire c'est que 56% sont pas des seniors. Et c'est un vrai problème, hein, parce que 75% des boulots, ça demande de maîtriser les outils numériques, un gros minimum, hein, selon France Stratégie. Et bon, les services publics se numérisent aussi à vitesse grand V, la pandémie encore tout accélérée. Donc déjà en 2019, le défenseur des droits avait alerté les pouvoirs publics sur cette nouvelle forme de fracture sociale. Donc depuis, il y a des efforts qui ont été faits, incontestablement, hein, puisque sur l'accès à Internet, par exemple, il y a les espaces France Service, il y a donc un meilleur accompagnement, il y a des chèques formation aussi, il y a des points d'accès public à Internet. À Brest, par exemple, ça s'appelle les papis, les points d'accès... public Internet, voilà, c'est ça. Donc, à l'école, il y a l'introduction des SNT, bien entendu, hein, qui doivent éduquer au numérique. Donc, il y a des choses qui ont été faites, mais c'est pas parfait, le haut débit est pas partout, voilà, les sites administratifs sont pas forcément totalement à jour avec le droit, pas forcément très lisibles ou très faciles, ils prennent en compte que les avis de ceux qui réussissent à l'utiliser, d'ailleurs. Et de fait, la responsabilité du fonctionnement des procédures administratives, elle est passée des administrations aux usagers. Et parfois, c'est difficile. 28% des gens s'estiment peu compétents pour faire une démarche en ligne. Et ça n'a pas des masses évolué en 3 ans, malheureusement, parce qu'en 2021, le nombre de saisines aux défenseurs des droits concernant les services publics a augmenté de 15%. Et selon l'ARCEP, 35% de la population rencontre à un moment ou à un autre des problèmes pour utiliser les outils. Le chiffre de ceux qui n'ont pas de matériel, c'est encore très haut, c'est 22%, qui n'ont ni ordinateur ni tablette. Et bon, évidemment, les disparités sont très grandes, avec plus de difficultés pour les plus pauvres, les moins diplômés, les plus âgés, les étrangers, etc. Donc le défenseur, qui est en l'occurrence une défenseuse des droits, c'est Claire Edon, propose de renverser ce transfert de charge de la responsabilité vers l'administration, et c'est elle qui doit aller vers. Donc en gros, elle demande de revenir en partie à de l'humain, hein, voilà, de sortir du tout numérique et de multiplier les modalités. Mais elle dit aussi qu'il faut améliorer les sites, c'est-à-dire qu'il faut juste revenir à un UX amélioré, tu vois, des trucs mieux conçus, plus simples, avec un mode facile, je sais pas, et voilà, donner des voies de recours aussi, toujours, et faciliter l'accès au réseau. Voilà. Donc évidemment, on espère que ça sera entendu, parce que c'est vrai que l'inclusion numérique et l'éducation à la tech, ça devient totalement primordial, parce que les choses évoluent en permanence, ça change tout le temps et ça se complexifie tout le temps. Ouais, c'est sûr. J'ai vu ma maman il y a pas très longtemps. Désolé pour ma petite anecdote perso, mais je me suis rendu compte à quel point j'ai des difficultés sans lui montrer, en fait, sans être à côté d'elle, et elle n'a pas eu l'occasion qu'on lui montre, mais sans être à côté d'elle, de lui montrer comment tu colles quelque chose sur un smartphone, sur Android en l'occurrence, mais c'est pas n'importe quel smartphone. Alors bon, elle pourrait prendre de la colle UU ou du scotch, je suis pas sûr que ça ferait l'effet escompté, mais quand elle veut copier-coller un message, tu vois, la notion de copier, pour le coup, elle est à peu près évidente parce que tu sélectionnes du texte assez vite, t'as les interfaces qui te proposent de copier, mais coller, en fait, ça paraît con, mais c'est pas si évident. Et y a cet accompagnement autour de la connaissance du numérique pour, certes, les seniors, mais pas que, qui est un vrai enjeu. Au passage, tiens, j'ai envie de citer deux initiatives que j'ai découvertes il y a pas très longtemps, que je trouve assez cool. Si jamais vous, à titre individuel qui nous écoutez, vous avez envie de vous investir et vous avez envie de creuser des choses, il y a déjà EvoluKid, qui est une start-up qui est assez cool autour de l'éducation pour notamment les personnes qui sont issues de quartiers un peu difficiles. Ils font de l'éducation notamment autour du code et avec des technologies numériques, des balbutiements d'intelligence artificielle. Il y a Emmaüs Connect aussi, je ne connaissais pas du tout, mais c'est une entité rattachée à Emmaüs qui parle justement de l'appropriation du numérique par les personnes qui peuvent être un petit peu mises de côté. Je voudrais en profiter, Pierre-Olivier, comme tu es là, de savoir, parce que là on a une photographie très franco-française en fait de cette situation, mais moi j'aimerais bien savoir si là où tu es au Québec, il y a des constats similaires qui peuvent être faits, et sinon pourquoi ? Globalement, dans les chiffres des différentes études qui valent ce qu'ils valent, parce que c'est des études de sociaux, hein, donc c'est jamais c'est pas mathématique non plus, mais globalement le Canada fait partie des pays où les seniors sont les mieux éduqués en termes d'informatique. Il n'y a pas de différence marquée avec le Québec, donc c'est assez en ligne avec le reste du Canada là-dessus. Cela étant, moi ça m'arrive quand même de constater parfois certains fossés. Là par exemple, dans le cadre d'une petite annonce là, un truc que je voulais acheter sur Marketplace, c'était la fille qui avait posté l'annonce, qui avait juste mis le numéro de téléphone, qu'il y avait d'ailleurs juste moi au monde ou presque qui le voyait, parce que le numéro de téléphone, il se fait attraper par Facebook, qui veut pas qu'on affiche les numéros de téléphone dans Marketplace, sauf sur le site mobile, et comme j'utilise pas l'app. c'est un avantage voilà, pour toi. Petite parenthèse dans la parenthèse, mais bref, finalement, donc en rencontrant ce monsieur, ben déjà en l'appelant, je me suis bien rendu compte qu'on appelait un téléphone fixe, une ligne terrestre comme on dit chez nous, ce qui est, je pense, la première fois que ça m'arrive depuis 2009, quelque chose comme ça. Et puis oui, ben c'est ça, le gars me dit ouais, c'est ma fille qui a mis l'annonce, moi là j'ai un téléphone cellulaire, c'est un flip-flop, je sais même pas m'en servir, donc voilà. Mais c'est quand même super rare, et cela étant, toujours deuxième anecdote dans l'anecdote, parce qu'on est comme ça, c'est gratuit, je constate aussi que sur les groupes Facebook qui sont un peu plus ruraux, les gens écrivent beaucoup mieux que dans les groupes de petites annonces ou quoi, plus urbains, de Montréal ou de Québec, la capitale. Et je me suis toujours posé la question, parce que les écoles sont pas meilleures. Et puis justement, quelqu'un me disait, peut-être c'est juste que les gens qui ont du mal à écrire et qui sont à la campagne, ils ont aussi du mal à utiliser l'informatique, alors que en ville, il y a peut-être plus d'accompagnement. Et donc, même les gens qui ont du mal à écrire, eux sont sur Internet. Et donc, tu vois, il y a peut-être effectivement quand même là un gros gap à creuser. Mais comme je disais en début de réponse, en tout cas dans les chiffres, ça paraît pas aussi difficile que dans certains autres pays. Que la France notamment. Ouais, mais voilà, après, est-ce que c'est un vrai visage de la réalité ? C'est difficile à dire. On a tous un coup à jouer, je pense, là-dessus, en tout cas avec notre entourage et puis nos initiatives. Encore une fois, si c'est des sujets qui vous intéressent et que vous avez du temps, je pense qu'il y a plein d'initiatives autour de vous, même locales, dans lesquelles vous pouvez vous investir. Moi, ça me fait me poser des questions, en tout cas à titre perso. On va clôturer cette rubrique avec un dernier volet dystopique, et c'est toi, Pierre-Olivier, qui nous l'a sélectionné. Là, tu vas nous décrire une situation avec des entreprises fictives, mais c'est pas que pour de l'évasion fiscale. Alors, écoute, c'est même pas du tout de l'évasion fiscale, parce que a priori, cette entreprise n'a tout simplement jamais fait de chiffre d'affaires. C'est un article de la BBC qui que j'encourage à lire. Il sera dans les notes de l'émission, bien sûr. Mais c'est fascinant, c'est l'histoire de une dizaine ou une quinzaine de personnes qui travaillent ensemble dans une groupe, dans une entreprise, excusez, qui est une agence de création web, et où ils sont je sais pas une cinquantaine ou un truc dans le genre. Il y a d'ailleurs des réunions régulièrement avec tout le monde sur Zoom. Le big boss est quelqu'un d'assez inspirant, qui a déjà fait du mannequinat, qui a déjà bossé pour des entreprises prestigieuses. Bref, la vibe est bonne. L'historique de l'entreprise est super cool. Ils ont eu des clients super super intéressants. Et quand on bosse en agence, hein, c'est ça qu'on recherche, hein, en général. C'est pas la qualité du milieu de vie du travail, hein, parce que dans le monde du service, c'est pas trop l'idée. Hein. On cherche vraiment du portfolio, quoi, sur la main, sur des grandes expériences avec des clients prestigieux. Donc tout se passe bien dans le meilleur des mondes, jusqu'à ce que certains employés se posent des questions. En fouillant un petit peu, notamment en cherchant quel serait le temps de trajet à la fin de la Covid, maintenant que les restrictions tombent. C'est une entreprise qui est basée à Londres, donc la plupart des employés sont au Royaume-Uni, même si pas tous. Quel sera le temps de trajet pour aller au bureau, mais quel est le bureau, où est le bureau, parce que l'adresse qui est donnée sur le contrat de travail correspond à rien. Et là, on commence à se poser des questions et on s'aperçoit que, certains collègues, qui sont pourtant sur Zoom régulièrement, mais c'est vrai qu'ils mettent pas leur caméra, et comment les juger, c'est chez eux, machin, etc. En fait, ils existent pas. Alors, les photos ont été volées, c'est d'autres personnes, le portfolio de l'entreprise est complètement bidon, ce sont des projets qui ont été réalisés par d'autres agences, La seule chose qui est vraie, c'est que l'entreprise existe dans le sens qu'elle est enregistrée au registre des entreprises britanniques. Le boss existe, mais il a évidemment pas le CV impressionnant qui était promis, quoi. Et en fait, ces gens s'aperçoivent que pendant de longs mois, ils ont bossé pour rien parce que leur contrat de travail, ils avaient accepté que ça soit à commission. Donc essentiellement, ils répondaient à des appels d'offres où ils faisaient des propositions commerciales. Et l'idée, c'était que pendant leur période d'essai, ils n'avaient pas de salaire, mais si l'une des propositions commerciales ou l'un des appels d'offres rentrait, ils toucheraient une commission là-dessus, et puis que à la fin de leur période d'essai, ils auraient un vrai salaire fixe plus commission, et non plus juste les commissions. Donc ce sont des gens qui pendant des mois ont travaillé pour rien avec des collègues qui n'existaient pas, pour une entreprise qui, si techniquement, administrativement, elle existait, en réalité, elle n'existait pas non plus, quoi. C'est génial, parce que ça pourrait faire un très très bon, justement, début de scénario de jeu de rôle ou de livre. Je pense même qu'il y a des films qu'on pourrait écrire. Bon, il faudrait imaginer quelle chute pourrait être branchée derrière, mais tout ce que tu décris, ça pourrait faire un très bon début de livre, d'histoire. Tu l'avais vu passer, cette histoire, Guillaume, de ton côté, non ? Oui, moi je m'étais d'ailleurs demandé, mais pourquoi faire ? Enfin, je veux dire, ouais. Il fait travailler des gens, mais à faire quoi, en fait, puisque il y a pas de boîte. Tu vois, enfin, c'était, moi ça m'avait paru assez incroyable. C'est ça qui est le plus absurde, c'est que c'est pas une arnaque, en fait. Dans le sens que c'est une arnaque parce que les gens ont quand même donné du temps et ils ont rien eu en retour, mais personne n'a tiré de bénéfice de ce temps-là, en fait. Ce qui aurait été complètement impossible avec le climat qu'on connaît, avec confinement, travail à domicile, évidemment, les gens seraient... Enfin, ça aurait été beaucoup plus difficile, j'imagine. Bon, merci pour cette petite anecdote. Effectivement, allez lire l'article qui est dans les notes de l'épisode. D'ailleurs, comme tous les articles sur lesquels on s'appuie pour nos épisodes de Tech Café, on va changer de rubrique avec avec quelques news autour d'intelligence artificielle. Allez, on va parler de génération de visages. On sait que c'est un sujet qu'on aborde assez régulièrement dans Tech Café, avec la génération de visages de personnes qui n'existent pas. Là, on franchit une étape supplémentaire, Guillaume. Ouais, c'est vrai qu'on en a parlé 60 fois des visages artificiels, hein, comme on en voit dans This Person Does Not Exist, mais là, ouais, y a une nouvelle étape parce que, donc, le site dont je parle d'ailleurs, This Person Does Not Exist, est là depuis 2019. Et dès l'année suivante, les algos qu'il utilise, qui sont de type StyleGAN, ont été améliorés, voilà, par des chercheurs, évidemment. Alors, à quel point, c'est ce qu'ont voulu savoir des chercheurs qui ont justement créé 400 visages avec un algo récent, et ils les ont mélangés avec 400 visages réels, Et ils les ont montrés à plusieurs centaines de participants. Et après, ils ont eu peur. Parce que la première constatation, c'est qu'on n'est plus capable de repérer les vrais visages des faux. Et alors que pendant un temps, on avait eu un outil là, que tu nous avais présenté qui nous permettait de faire le choix, lequel est le vrai. On savait assez facilement lequel était le bon. Hein. Et puis c'est vrai que si tu vas sur Vice Person Does Not Exist, tu sais juste regarder, ça se voit assez facilement. Mm-hmm. Mais là, apparemment, en tout cas dans le cadre de leur truc, de leur expérience, ils ont été repérés que 48,2% du temps. Donc ce qui est très proche du hasard total, d'une coup sur deux. Quoi. Mm-hmm. Et pire, après avoir été coaché pour repérer vraiment bien précisément les artefacts et les incohérences qui reviennent le plus fréquemment dans les faux, ça monte qu'à 59%, soit pas énormément au-dessus de 50. Ah oui, il y a pas une progression extraordinaire. Hein. Et en plus, certains faux qui sont un petit peu moins bons étaient systématiquement repérés, ce qui veut dire aussi que certains autres l'ont quasiment jamais été. Ils sont quasiment parfaits, en fait. Et pire que pire, non seulement on n'arrive pas à repérer les faux, mais en plus, ils nous inspirent plus confiance que les vrais. Le score de confiance des faux visages était en moyenne de 4,82 contre 4,48 pour les vrais gens. Donc on est foutu. On est foutu parce qu'en plus, Sonantic, donc une boîte dont on a aussi déjà parlé, qui fait de la synthèse vocale, elle est en train de mettre au point des voix synthétiques qui sont capables d'imiter les émotions. Donc tu sais, les synthèses vocales, tu écris du texte, et puis ça crée un discours qui est tout à fait crédible, quoi, tout à fait fluide, mais qui est aussi, qui est bon pour faire des présentations Excel, mais qui n'est pas vraiment bon pour les émotions. Alors que là, elles sont capables d'imiter les émotions. Tu mets des petits tags, quel type d'émotion, là tu dois être joyeux, là tu dois être moqueur, là tu dois être, là tu dois flirter. Tu peux mettre un souffle, un petit soupir, des petits rires, etc. Ajouter une respiration. Vous pouvez essayer, hein. C'est pas mal du tout, en fait. Hein. Donc là, il y a vraiment tous les ingrédients. Ça va être un festival pour le catfishing. Tu peux créer des visages artificiels, tu peux créer des messages vocaux artificiels. Ça va être la folie. Donc ouais, c'est assez marrant, quand même. Je sais pas si vous avez vu ça, mais ça marque certainement une étape. Moi, je trouve que la voix, c'est le plus bluffant parce que d'un point de vue image, effectivement, comme tu le dis, tu peux soit de base parce qu'il y a des défauts, soit en étant éduqué, tu peux arriver à trouver des manières de l'identifier. Honnêtement, la voix, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus convaincant dans l'article de The Verge. Il y a notamment pas mal d'extraits qui montrent les variations d'intonation qui sont assez ouf, je dois dire. Et la petite vidéo là où on entend, alors je me suis demandé après coup si c'était pas non plus le fait qu'on nous mette une vidéo d'une personne qui nous sourit à la gueule dans la vidéo qui aussi doit rendre le truc très convaincant, et du coup je me suis dit après coup je devrais la re-regarder en fermant les yeux tout en connaissant les biais auxquels j'aurais pu être exposé. Mais j'ai trouvé la voix très très convaincante. Est-ce que t'as fait l'exercice, Pierre-Olivier? Est-ce que t'as été convaincu, toi, sur la voix notamment? Ouais, c'est bluffant. Puis c'est pas la première fois que je suis bluffé sur ces trucs là moi j'avais déjà ça m'avait super impressionné à l'époque, je pense c'est 2009, 2010, quelque chose comme ça, qui avait eu les premiers robots d'appel pour Obamacare. Alors évidemment, l'anglais c'est pas ma langue maternelle, et en plus de ça, l'anglais américain c'est pas non plus la version d'anglais que j'ai appris, donc je suis probablement plus sensible encore que d'autres, mais déjà ces robots d'appel, ils m'avaient bluffé, je trouvais ça extrêmement difficile de détecter que c'était des robots, à part évidemment en posant en boucle la même question et en voyant bien que le robot il revient toujours dans sa programmation pour te parler de ton assurance médicale, mais là avec la touche d'émotion qu'on vient rajouter en plus, c'est terrible parce que on pourrait imaginer que un robot justement qui revient dans ses lignes pour délivrer son message, il pourrait répéter la même phrase mais avec un ton différent. Je veux dire, on fait ça souvent là en tant qu'humain, là c'est pas, tu vois, ça lui donne encore plus de possibilités d'avoir l'air naturel tout en restant dans sa programmation, quoi. On a du souci à se faire, hein, les amis, parce que autant remplacer des productions vidéo par des algorithmes d'intelligence artificielle, il y aura encore probablement beaucoup de boulot, mais un podcast. En fait, si tu scriptes un petit peu les choses, quand tu vois les intonations et les effets que tu peux mettre dans la voix, à mon avis, on va pouvoir très très vite être remplacé. Peut-être qu'on gagnera du temps, hein. Peut-être qu'un jour vous allez entendre qu'on aura légèrement changé de voix, mais vous aurez toujours votre podcast avec les mêmes intonations. Peut-être même qu'on a trouvé le meilleur algorithme qui soit aujourd'hui, et peut-être que nous ne sommes pas vraiment des humains. Allez savoir. En attendant, ces algorithmes d'intelligence artificielle n'auront pas fini de nous bluffer, et pour achever de vous convaincre, ils ont, et ça c'est hyper intéressant, mais de deux manières différentes, mais qui arrivent avec le même résultat, réussi à désigner, Guillaume, j'en tremble encore, qui est Q. Et oui, la stylométrie, c'est quoi? C'est quand on mesure la taille des stylos? Non, pas du tout. C'est l'usage statistique pour décrire des propriétés stylistiques d'un texte. Voilà, merci Wikipédia. Voilà, bisous, on se voit plus tard. Donc, en comparant des stats, on peut voir des indices sur qui a écrit un texte donné. Et comme on est en 2022, qui dit stats dit deep learning, bien sûr. Donc, on prend un modèle auquel on fait lire, par exemple, des textes de cul. Non, pas des textes porno, des textes de cul. Oh. Pas de fesses, de cul. Bon. Oh. Donc, le mystérieux agent des services secrets, voilà, qui raconte n'importe quoi sur le web depuis 2017. Bon, enfin, là, il a enfin fermé son clapet depuis un petit moment, mais bon. Donc, l'IA lit tous les posts de cul et on déduit un profil statistique qu'on peut ensuite comparer à d'autres profils stylistiques, comme ceux, par exemple, de Paul Ferber et de Ron Watkins. Et il se trouve que ça marche très bien. Les deux équipes, donc il y a deux équipes, une suisse et une française, qui affirment au New York Times que ça correspond à 98 et 99% à Ferber et Watkins, respectivement. D'abord, le texte de cul est écrit par Ferber, puis de plus en plus, le style passe à Watkins, et au bout de quelques mois, il n'y a plus que Watkins qui écrit. C'est un schéma qui a été confirmé par les deux équipes. Donc Watkins avait déjà été soupçonné par le passé d'être Q. Il avait nié, et il nie à nouveau, tout comme Ferber d'ailleurs. Ces stats ne sont pas des preuves, hein, mais ce sont des indices plutôt convaincants, disons, hein, que Ferber et Watkins sont probablement Q. Donc les experts espèrent que démasquer l'origine de tout ce barnum va aider à tuer le mouvement. Pas sûr. C'est sans doute faux, étant donné que depuis la défaite de Trump, voilà, je pense qu'il n'y a plus que les forcenés qui demeurent, j'ai l'impression. Mais bon, moi j'ai appris un nouveau mot. Oui, effectivement. Mais moi, j'étais assez bluffé, encore une fois, quand on voit deux équipes qui, avec des méthodes, bon, certes basées sur les mêmes principes de travail, mais avec des méthodologies de travail différentes, arrivent au même résultat et avec dans des telles proportions. Je trouve ça assez remarquable. On va enchaîner avec une rubrique jeux vidéo. Guillaume, la quotidienne continue avec les affaires autour de Bobby Kotick. Ouais, ça chauffe encore un peu plus pour Bobby, hein. Les assignations de l'État de Californie pleuvent. Alors d'abord, sur tous les cadres qui ont été chargés de régler les problèmes de harcèlement de la boîte de manière peu satisfaisante, Kotick compris. C'est un petit peu sa garde rapprochée, hein, celle qu'il avait soutenue là, quand tout le monde le poussait dehors. Donc les départements de police de Los Angeles doivent aussi fournir tous les documents sur Kotick et ses 18 potes, et pour napper le tout, la SEC lance ses propres assignations. Alors c'est que le tout début de la procédure, hein, donc parce que voilà, le temps est très long, hein, dans les procès, mais en attendant, Kotick fournit quand même d'autres petits scandales, comme ça, des petites perles. Donc, par exemple, il aurait donné des centaines de milliers de dollars à des candidats républicains comme Mitch McConnell, via des sociétés secrètes. Enfin, elles ne sont pas vraiment secrètes, puisque bon, on les connaît, elles sont publiques. Hein. Mais elles s'appellent 807-080A et Norgate. Voilà, et elles sont vides, hein, ce sont des coquilles vides, par lesquelles transite du fric. Et ce qui est marrant, c'est que publiquement, en son nom, Kotick fait des dons aux deux parties de quelques milliers de dollars, mais qu'il utilise des sociétés écrans pour en donner 600 000 aux républicains. C'est quand même un roublard, hein, Kotick, c'est un petit rusé. Il a de la chance aussi, hein, parce que malgré le scandale qui grogne depuis l'été dernier... Microsoft est venu à la rescousse et bon, pour l'instant, ça sort bien. En fait, le scandale a éclaté et a éclaboussé Kotick en particulier en novembre dernier. Et donc, l'action Activision Blizzard a dévissé. Et genre, deux minutes après que Spencer a vu ça sur Bloomberg, il appelle Kotick pour voir s'il n'y aurait pas moyen. Et Kotick, il sent le bon coup, parce qu'ils ont les moyens chez Microsoft. Et en plus, il n'y a pas que lui. Il y a au moins quatre autres boîtes qui voulaient la racheter. Donc il y en a même une qui voulait seulement Blizzard. On aurait aimé savoir qui c'est, évidemment. Mais... Ah bah oui, mais ça n'a pas été révélé. En tout cas, Kotick, lui, il a pu négocier. Et Microsoft, il s'est senti poussé au cul, et il voulait pas se rater, donc il a agi très vite, et de manière très agressive, et hop, voilà, 8 semaines plus tard, c'est dans la poche. Et donc pour Kotick aussi, c'est dans la poche, hein, puisque Microsoft paye $95 l'action, ce qui valorise sa fortune à 410 millions s'il revendait toutes ses actions. Et s'il se fait lourder, de toute façon, il aura un parachute doré de 14 millions pour se consoler. Enfin bon, s'il est pas en tôle, on peut toujours rêver, mais bon. Ouais, il y a quand même peu de chance finalement. Je pense qu'il arrive en tôle, mais bon. Et peut-être que c'est assez, peut-être que c'est lui qui est derrière l'agence fictive là que nous décrivait Pierre-Olivier tout à l'heure pour faire transiter des mouvements. On va savoir. Bon, pas trop de spéculation évidemment. Il y a des shopping, il y a des magasins pardon d'applications et de jeux vidéo en ligne qui vont fermer leurs portes. On avait déjà parlé de celui de la Vita qui avait été menacé. Cette fois-ci, c'est le tour de consoles de Nintendo, Guillaume. Ouais, bah les magasins en ligne des 3DS et Wii U vont fermer en mars 2023, donc en mai et août de cette année déjà. Il y a des restrictions sur ce que vous pourrez acheter, donc, vous pourrez plus acheter, enfin mettre des crédits, que ce soit avec votre carte et ensuite avec les cartes même Nintendo prépayées. Là, vous pourrez plus en tout cas mettre des crédits sur ces trucs-là, donc concrètement, vous pourrez plus vraiment acheter. Et bon, après, voilà, en mars 2023, ça fermera. Rassurez-vous, Nintendo assure que les jeux achetés pourront toujours être retéléchargés, même après mars. Comme toujours, quand un store ferme, il y a des victimes. Donc selon Nintendo Life, il y aura quand même un bon millier de titres qui ne devraient être plus accessibles du tout sur ces plateformes, parce qu'elles sont uniquement digitales. Et donc si tu les as pas, bah, tu les auras jamais plus sur 3DS, par exemple. Hein, à moins de passer par d'autres moyens, on va dire, des moyens détournés, dont je ne vais pas parler en détail ici, bien entendu. Mais bon, c'est pas forcément anodin, bah, n'empêche, hein, parce que par exemple, Fire Emblem Fate, je sais pas si vous vous souvenez, mais Fire Emblem Fate avait eu un énorme succès, hein, c'était un gros blockbuster sur 3DS, et c'était un jeu qui était en trois morceaux, en fait. Il y avait le mode conquête, le mode je sais plus quoi, le mode Fate, et puis il y avait un troisième scénario, en fait, il y avait trois scénarios. Et en fait, vous pouvez acheter deux scénarios en physique, et le troisième, il était uniquement disponible en physique dans une version collector, qui est devenue une rareté, qui atteint des prix très importants. Et donc, concrètement, la seule manière normale, j'allais dire, de jouer à la troisième campagne de Fire Emblem Fate, c'est de la télécharger. Ce téléchargement qui ne sera plus possible à partir de mars 2023, ce qui veut dire que la troisième campagne d'un des blockbusters de la 3DS va disparaître, tout simplement. Ce qui est quand même assez étonnant. Enfin, je veux dire, c'est quand même un jeu first party Nintendo, c'est quand même assez fort. Pour nous le faire revendre avec un Nintendo Connect, alors, voyons, Guillaume. Enfin. Bah, écoute, c'est possible. Mais bon, pour l'instant, ça sera mort, quoi. Et bon, la 3DS a quand même eu un succès massif. Donc, il y a beaucoup de jeux qui ont été publiés en exclu sur 3DS et en démat, et eux, ils vont disparaître totalement. Il y a d'ailleurs aussi le problème avec la Virtual Console, puisqu'il y a quand même 350 jeux rétro qui pouvaient être achetés sur 3DS et Wii U. Beaucoup ne seront tout simplement plus accessibles du tout, comme les jeux PC Engine, je crois, ce sera plus possible. Et de toute façon, même s'ils viennent sur le Virtual Console Switch, c'est ceux qui seront éventuellement, je pense qu'évidemment il y en a qui vont arriver, hein, mais voilà, mais ils ne pourront plus être achetés, parce qu'ils seront juste loués. Vous ne les achetez pas, les jeux rétro sur Switch. Vous y avez accès avec l'online, mais vous ne pouvez pas les acheter. Donc, c'est quand même un petit peu, voilà, ça interpelle un petit peu, je trouve. Et bon, comme d'hab, bah, la préservation, c'est pour les pandas, quoi, tu vois. Je veux dire, c'est pas du tout un enjeu. Bon, et après, ils s'étonnent de la réaction des gens. C'est presque un appel au piratage, à la limite. Hein. Moi, je vois ça comme ça. Hein. Ouais, bon. Encore une fois, je suis convaincu que ça devrait être encadré par des voies légales, au-delà d'un certain nombre de ventes d'appareils, de devoir garantir une certaine pérennité, d'une manière ou d'une autre, de l'accès à un patrimoine vidéoludique. Mais j'imagine que c'est évidemment très, très compliqué. En plus, si elle est loin à l'international. Au-delà de ta participation en tant que joueur, Pierre-Olivier, je sais pas si tu portes un regard là-dessus, sur cette conservation du patrimoine vidéoludique et la fermeture d'un store. Quelque part, on peut les comprendre au bout d'un moment, si jamais il y a un trop faible nombre d'utilisateurs qui accèdent à un magasin en ligne, de pas maintenir de manière abusive des services qui d'ailleurs peut-être consomment beaucoup, j'en sais rien, je me rends pas compte de ce que ça leur coûte, mais j'ai la naïveté de penser que c'est pas si coûteux que ça de maintenir ce type de plateforme. T'as une idée, toi? Je pense pas que ce soit des choses qui sont développées dans les... Je vais reformuler différemment. J'ai des préjugés extrêmement négatifs sur la qualité de code dans l'industrie du jeu vidéo, en soi, en général. Mais alors, pour l'aspect back-end, c'est-à-dire serveur, alors là, c'est vraiment... J'imagine que l'offre numérique de la Poste est du même niveau. Et encore plus pour Nintendo, peut-être. Et je sais, je suis absolument certain qu'il y a des auditeurs qui vont venir, qui vont crier, qui vont dire oh, « on fait des trucs super complexes, machin, etc. » Mais le peu que j'ai vu à date, c'est juste, c'est pas du tout... Enfin, c'est pas du tout au standard, là. Bref, donc, je suis certain que ça leur coûte pas mal trop de pognon et que ça devrait pas coûter ouais, autant. Mais au-delà de ça, je pense surtout qu'ils se tirent une balle dans le pied. L'univers du jeu vidéo, c'est un univers technique, hautement technique, même si pas assez technique, CF, mon premier point. Mais c'est aussi un univers culturel, hautement culturel. Et exactement comme le cinéma, on a nécessairement besoin, quand on étudie l'animation 3D, les ressorts, l'écriture de scénario pour des jeux vidéo, les ressorts vidéoludiques, tout ce genre de choses, on a besoin d'étudier ce qui s'est fait, il y a besoin d'y avoir des classiques, il y a besoin de s'y référer. Et aujourd'hui, là, quand on est étudiant dans l'un des nombreux métiers du cinéma, eh ben on va à la bibliothèque, on loue le DVD, le VHS, le peu importe. Il y a toute une série de choses qui sont mises en pratique pour archiver cette connaissance et ce savoir. Et régulièrement, on transfère d'un médium à l'autre pour rendre disponible, et pas seulement aux gens du métier, mais aussi au grand public. Je veux dire, Netflix rajoute et retire, mais bon, c'est le jeu du catalogue, régulièrement des classiques. Et dans le jeu vidéo, et ben ça devrait être pareil. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui archive les kits de dev, parce que je pense que les kits de dev, c'est peut-être la machine la plus à même de résister dans le temps pour faire jouer les jeux vidéo. Bon, la Game Boy, c'est un truc assez rustique, c'est bien construit, on peut sûrement la garder très longtemps, quoique l'écran, c'est difficile, mais quand on va sur des trucs genre PSP Vita, des machins, etc., à mon avis, dans 20 ans, on va avoir de la difficulté, puis... Bon, mais le kit de dev, lui, je me rappelle plus ce que c'était pour une PSP Vita, mais je crois que c'était quelque chose proche d'un PC. Enfin voilà, il y a des, peut-être on devrait archiver les kits de dev, les refabriquer. Il y a quelque chose à trouver. Est-ce que c'est le rôle de la loi? Je sais pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'à mon avis, l'industrie va nulle part si elle se rend pas un minimum compte que elle va dans le cap, dans le futur, elle va tourner en boucle parce que tout simplement en fait les étudiants vont pas avoir accès à ce qu'ils faisaient avant, donc on va être condamné à refaire les mêmes bêtises, à essuyer les mêmes échecs, à faire les mêmes ressorts de scénario, les mêmes, enfin voilà. Ouais, il y a évidemment des enjeux de conservation, ça c'est complètement indéniable. On regrette aussi probablement le fait qu'il y a certains de ces titres-là parmi les plus rentables qui vont se retrouver dans le Nintendo Switch Online et pas Connect, comme je disais tout à l'heure, des abonnements de ce type. Ce qui est assez déroutant, c'est quand même de se dire que quand on parle de la 3DS et de la Wii U, on n'est pas sur des dizaines de générations de consoles d'antan, quoi. On est sur les précédentes générations de console, mais bon. Allez, on va terminer cette rubrique jeux vidéo avec un sujet sociétal et polémique, mais en tout cas, les Sims 4, Guillaume, permettront de se marier avec un mariage homosexuel à Moscou. Ouais, ouais. Bah, en fait, c'est juste un sujet que j'avais l'intention d'aborder la semaine dernière et que j'ai pas eu le temps. Et finalement, tant mieux. Parce que, en fait, la semaine dernière, la news, c'était que Electronic Arts n'allait pas sortir la dernière extension des Sims 4, qui est donc une extension autour du mariage et dont la promotion se fait autour d'un mariage homosexuel entre deux femmes. Et ils voulaient pas le sortir en Russie, parce qu'en Russie, il y a une loi qui interdit la propagande homosexuelle. Et donc, ils avaient peur de rentrer là-dedans. Et voilà. Enfin. En tout cas, on savait pas réellement s'ils avaient peur ou s'ils étaient sûrs d'eux. Enfin, bon, en tous les cas, ils voulaient pas le sortir. Et donc, évidemment, ça a fait beaucoup réagir sur Internet. Et on a été la semaine dernière. Et cette semaine, en fait, ils ont changé complètement. Ils ont fait un virage à 180 degrés, puisque ils vont sortir l'extension en Russie, quand même. C'est fou, les Sims pourront se marier à Moscou. Et en vérité, c'était uniquement de l'autocensure. C'est-à-dire que la seule obligation qu'ils avaient, apparemment, d'après ce qu'ils disent, c'est de mettre un 18+. Donc le jeu était réservé, enfin en tout cas, que c'est marqué que c'est réservé aux adultes, ben, ça passe en fait. Et ils ne voulaient pas le sortir, apparemment c'était juste de l'autocensure de leur part, et pas forcément quelque chose de formalisé du côté russe, quoi. Et donc finalement, ben, écoute, voilà, les Sims 4, je ne sais plus comment ça s'appelle, Wedding machin, My Wedding Stories. My Wedding Stories, exactement, va sortir quand même en Russie, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, même si, bon, évidemment, de toute façon, ça fait, voilà, enfin, les Sims 4 et les choses qu'ils mettent dans le jeu, bon, voilà, ça a été plein de trucs, ça a été des hommes qui peuvent tomber enceintes, ça peut être, ça avait été des hommes qui peuvent se travestir, enfin, il y a eu plein de trucs, si tu veux, comme ça, qui ont été permis dans les Sims 4, qui ont été mal pris un petit peu partout autour du monde, donc finalement, c'était pas non plus très, très, très, très étonnant à l'époque, mais voilà, finalement, ça va sortir, écoute, tant mieux. On verra hein, si ça sort. En tout cas, c'était de l'autocensure et c'est revenu dessus. Je serais finalement pas étonné que dans quelques temps, on nous dise que finalement, si ça a été bien banni en bonne et due forme, comme ils le craignaient peut-être eux-mêmes initialement. Bon, on verra, mais ça prenait bonne tournure du coup. On a fait le tour de toutes ces news. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose que tu voulais rajouter. Oh, mais Pierre-Olivier, j'ai ma question rituelle. Enfin, on parle de jeux vidéo. Est-ce que tu passes encore un petit peu de temps sur Stadia ou est-ce que tu as arrêté d'utiliser Stadia, Pierre-Olivier? Peut-être, je ne sais pas, là, une demi-heure par mois, quelque chose comme ça. Et c'est toujours le même constat. C'est que si je ne l'avais pas, si je n'étais pas sur une solution de streaming, cette demi-heure, elle serait passée à... assez exactement. À télécharger les mises à jour. Et encore une fois, je fais pas particulièrement la promotion de Stadia, j'ai pas essayé les autres solutions et peut-être même que elle m'irait encore mieux. Moi ce qui m'importe c'est le streaming de jeux vidéo en général. Écoute, rendez-vous pour une prochaine participation. Je te poserai pas la question si tu reviens très prochainement à nos côtés. On serait évidemment ravis de te revoir, Pierre-Olivier. Chose promise, chose due, je devais citer un avis Apple Podcast. Donc, c'est Rémi Y. Tenez-vous bien, accrochez-vous. Vous êtes assis, vous avez votre ceinture, écoutez bien. Clair, précis et pertinent. J'ai récemment eu le plaisir et la chance de découvrir cet excellent podcast traitant de l'actualité tech. Tech Café se différencie de ses concurrents de par une indépendance éditoriale, des thèmes abordés en profondeur, mais surtout grâce à ses chroniqueurs qui maîtrisent totalement les sujets traités. Le format est parfait, un temps long sans interruption permettant d'aborder une multitude de thématiques dans toute leur technicité. Les sujets d'actualité et les tendances de fond y sont abordés avec clarté, précision et beaucoup de pertinence. La fréquence de sortie des nouveaux épisodes est idéale, ni trop espacée, ni trop courte. La préparation et la qualité du podcast y est professionnelle. Merci Tech Café, dans un monde en constant bouleversement, c'est avec un énorme plaisir que j'enrichis à votre écoute mes connaissances tech. Je recommande très fortement à tous ceux qui s'intéressent à l'actualité technologique de notre monde de rejoindre la communauté grandissante de Tech Café. À vous lecteurs de cette revue, faites de même, vous n'en serez pas déçus. Rémi, écoute Rémi, je pense qu'on peut te discerner officiellement la palme du commentaire le plus élogieux et peut-être même du mieux écrit. Donc on vous met au défi, faites mieux que Rémi. Merci en tout cas évidemment beaucoup pour vos retours. Il est grand temps de rappeler à nos auditeurs ou les informer où on peut vous retrouver et me retrouver sur internet. Pierre-Olivier, où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est vrai qu'en ce moment, on peut pas trop me retrouver. Dans voilà, Tech Café, exactement. De temps en temps. Et on en est ravis. Merci beaucoup, Pierre-Olivier. Guillaume, je suis tombé sur une information qui m'a fait ouvrir les yeux. Je cite le titre de l'article de Vice. Les gens qui ont zéro présence en ligne seraient plus sexy que les autres. Est-ce que tu vas déroger à cette stratégie parfaite que tu as mise en place pour être le podcasteur le plus sexy de la planète? Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part? Moi, je pense qu'on va pouvoir me retrouver à Orlando, à l'hôtel Star Wars, déguisé en Jawa, qui est en train de faire les poches des mecs, des gens qui viennent, des clients. Et j'ai entendu tout à l'heure, soigneusement, que tu attendais que Chewbacca vienne te vendre de la drogue. Compte sur lui. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur Twitter, Guillaume Vendée, sur Instagram, Guillaume Vendée, sur Twitch, Guillaume Vendée, occasionnellement d'ailleurs devant des parties de Among Us et pour les enregistrements de ReLife, et puis sur guillaumevendée.fr. Merci beaucoup pour votre fidélité, et vous le savez désormais, si jamais vous avez envie de nous soutenir, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur patreon.com/techcafé. Merci de votre fidélité et à un prochain épisode. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.